Hallelujah. Hallelujah. Let us read the book of Matthew 28. Lisons l'évangile de Matthieu 28. Verses 16 to 20. Les versets 16 à 20. And we see how the Holy Spirit ends the book of Matthew. Et vous allez voir comment le Saint-Esprit termine le livre de Matthieu. Listen to what he says there. Écoutez ce qu'il dit là. I am reading. Je lis. From NIV. De la nouvelle version internationale. He says. Il dit. Then the 11 disciples went to Galilee. Et les 11 disciples allèrent en Galilée. To the mountain where Jesus had told them to go. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. When they saw him. Quand ils le virent, they worshiped him. Ils l'adorèrent. But some doubted. Mais quelques-uns eurent des doutes. Verse 18. Le verset 18. Then Jesus came to them and said, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. All authority in heaven. Tout pouvoir dans le ciel. And on the earth. Et sur la terre has been given to me. M'a été donné. Therefore, go and make disciples of all nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptizing them in the name of the Father. Les baptisant au nom du Père. And of the Son. Du Fils. And of the Holy Spirit. Et du Saint-Esprit. And teaching them. To obey. Et enseignez-leur à obéir. Everything I have commanded you. À tout ce que je vous ai prescrit. And surely I am with you always. Et voici, je suis toujours avec vous. To the very end, even to the end of the age. Jusqu'à la fin du monde. Stop there, somebody. Arrêtons là. Very simple. C'est très simple. We have seen the way he begins the glorious gospel. Regardez la manière dont le Saint-Esprit, nous avons vu comment il a commencé l'évangile. We are now seeing the end. Maintenant, nous sommes en train de voir la fin. Then I'm going to tell you how many conversations are in this glorious gospel. Et je suis en train de vous dire combien de conversations sont dans ce glorieux évangile. And which conversation. Et quelle conversation is the Olivet prophecy. Est la prophétie Olivette. Then we'll narrow down into that one. Et nous limiterons à celle-ci. Forever. Pour toujours. But first, let's look at the end. Mais premièrement, regardons à la fin. The flanking scriptures. Les écritures contiguës. Flanking. Contiguës. He finishes by exalting the authority of God. Il finit par exalter l'autorité de Dieu that has been given to the Messiah. Qui a été donnée au Messie. And he says, et il dit that by that authority, par cette autorité he wants you to go out, il veut que vous alliez dehors and make disciples of the Lord. Et faire des disciples au Seigneur. Après qu'il finisse la conversation, he sends you, go out. Après qu'il ait fini cette conversation, il leur dit, allez. And make disciples unto him. Et faites-lui des disciples. How beautiful. Combien beau. So, that means you were not sent empty like that. Alors ça signifie que vous n'êtes pas envoyé vide comme ça. You were sent with authority. Vous avez été envoyé avec autorité. I'm very surprised also. There are many things you can dig from there. Je suis aussi très surpris. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez creuser de là. Number two, numéro 2. You see him talking about the revival of baptism. Vous le voyez parlant à propos du réveil du baptême. That there would be need for those you have discipled to baptize in water. Qu'il va y avoir un besoin pour ceux qui sont disciples d'être baptisés d'eau. In the name of the Father, au nom du Père, the name of the Son, le nom du Fils, and of the Holy Spirit. Et du Saint-Esprit. And he says, Et il dit, further on, plus loin, that there will be a Holy Ghost revival. Que ça va être un réveil du Saint-Esprit. Why does he say that? Pourquoi est-ce qu'il a dit ceci? Look, he was living to the right hand side of the Father. Regardez, il était en train de quitter pour aller à la droite du Père. And now he is telling them, et maintenant, il leur dit, that I am going to be with you. Je vais être avec vous. In all the places you'll be. À tous les endroits où vous allez être. Implying, do you remember the promise? Impliquant, est-ce que vous vous souvenez de la promesse? When the promise come, quand la promesse est venue, the Holy Spirit, le Saint-Esprit, he reveals more and more of the person of Christ in the church. Il a révélé et encore à propos de la personne de Christ dans l'Église. That is the role of the Holy Spirit. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. It is better for you, for me to go to the Father. C'est mieux pour vous que j'aille vers le Père. Because when I'm here, I can only be in one place at one time. Parce que quand je suis là, je peux être seulement à une place en un moment. But when I go, mais quand je m'en vais, the Holy Spirit will be sent. Le Saint-Esprit va être envoyé. And he will be everywhere at the same time. Et il va être partout en même temps. Somewhere also, quelque part aussi, he says, il dit, go out and preach the gospel. Sors et prêchez l'Évangile. And I've given you authority to heal the sick. Et je vous donne l'autorité de guérir les malades. Deliver the word. De délivrer la parole. And then resurrect the dead. Et ensuite, de ressusciter les morts. You understand the authority? Vous comprenez l'autorité? I'm talking about the authority of God. Je parle à propos de l'autorité de Dieu. That is celebrated in this book. Of Matthew. Qui est célébré dans cet évangile de Matthieu. If you go to John, chapter 5, si vous allez à Jean, chapitre 5, verses 20 to 28, les versets 20 à 28, he talks about the rapture of the church. Il parle à propos de l'enlèvement de l'Église. I am just on the authority, really. Je suis juste sous l'autorité, réellement. That's not our main scripture. Ça n'est pas notre écriture principale. But you can write it. Mais vous pouvez l'écrire. If you go to John, chapter 5, si vous allez à Jean, chapitre 5, verses 20 to 28, les versets 20 à 28, you hear the Lord, vous allez entendre le Seigneur describing, décrivant the rapture of the church. L'enlèvement de l'Église. And he says, et il dit, all authority has been given to the Son of Man. Toute autorité a été donnée au Fils de l'homme. And the Son of Man is given authority for the following. Et le Fils de l'homme a reçu l'autorité pour ce qui suit. Because he says, parce qu'il dit, and he chooses whom to give life and whom not. To give life. Et il choisit à qui donner la vie et à qui ne pas donner la vie. You see the authority. Vous voyez l'autorité. Whom to give life and whom not to give life. À qui donner la vie et à qui ne pas donner la vie. I have not started the Olivet prophecy, please. Je n'ai pas commencé la prophétie Olivet, s'il vous plaît. I am not there. Je ne suis pas là. I'm just building your heart. Je suis juste en train de préparer votre cœur. To receive this important message. À recevoir ce message important. And he says, et il dit, he has authority that whoever hears his voice, il a l'autorité que si n'importe qui entend sa voix, whether they are dead in the grave, qu'ils soient morts dans la tombe, they will resurrect and see eternal life. Ils veulent ressusciter et voir la vie éternelle. John chapter 5, 20 to 28. Jean chapitre 5, versets 20 à 28. And he says, et il dit, with that authority, avec cette autorité, he has also been given the power to judge. Il lui a été aussi donné le pouvoir de juger. Judgment. Le jugement. To know whom to take, whom to leave. Pour savoir qui prendre, qui laisser. It's judgment. C'est le jugement. When he comes at rapture and takes some and leaves some, he has judged. Quand il vient pour l'enlèvement, pour prendre l'un et laisser l'autre, il a jugé. Somewhere also, quelque part aussi, he says, il dit, go out and preach the gospel. Sors et prêchez l'évangile. And I've given you authority to heal the sick. Et je vous donne l'autorité de guérir les malades. Deliver the what? De délivrer la parole. And then resurrect the dead. Et ensuite, de ressusciter les morts. Do you understand the authority? Vous comprenez l'autorité? Alléluia. Alléluia. Ah, you precious people. Précieux peuple. We can talk about the authority forever and ever. On peut parler à propos de l'autorité encore et encore. These are by the ways. C'est juste un point à travers lequel je vais. Now I want to narrow down slowly as we move into the Olivet prophecy. Maintenant, je veux me limiter lentement comme nous déplaçons à la prophétie Olivet of Matthew 24. De Matthieu 24. But before we go there, mais avant qu'on aille là, I must say this. Je dois dire ceci, that there are major conversations, qu'il y a des conversations majeures in the glorious gospel of Matthew, dans le glorieux évangile de Matthieu. Five major conversations, 5 conversations majeures in the glorious gospel of Matthew, dans le glorieux évangile de Matthieu. Precious people, précieux peuple, every time the Lord had downloaded the instruction to the church, chaque fois que le Seigneur a donné l'instruction à l'église, what he wanted to say to the church, ce qu'il désirait dire à l'église, then look at how he finished. Ensuite, regardez comment il a fini. He always said, il a toujours dit, the Bible says this, la Bible le dit. And when Jesus had finished saying these things, he left. Et quand Jésus a fini de dire ces choses, il a quitté. And when Jesus had finished saying these things, et quand Jésus a fini de dire ces choses, c'est important de lire la Bible avec la sagesse du Saint-Esprit. But of course, this is for you people. Mais naturellement, c'est pour vous, les gens. You are the ones heaven is waiting for. Vous êtes ceux que les cieux attendent. That's why someone like me has to labor hard. C'est pourquoi quelqu'un comme moi a travaillé dur. That you people enter. Pour que vous, les gens, vous entriez. So the Lord may have a smile on his face, right? Pour que le Seigneur puisse avoir un sourire sur son visage, juste. He died on the cross. Il est mort sur la croix. That you may enter. Pour que vous puissiez entrer. Your salvation, votre salut, your redemption, votre rédemption, is not complete, n'est pas complet. Until the day you enter. Jusqu'au jour où vous entrez. You are not born again to go to hell. Vous n'êtes pas né de nouveau pour aller en enfer. Or to remain here. Ou pour rester ici. That's why this one is key. C'est pourquoi celui-là est clé. Extremely key. Extrêmement clé. And I'm also going to open for you the Olivet prophecy step by step. Et je veux aussi ouvrir pour vous la prophétie Olivet pas à pas. Item by item. Détail par détail. That everything you will watch on your television. Tout ce que vous regarderez à la télévision. You will now understand. Alors vous comprendrez. Or hear on your radio. Ou ce que vous entendrez à la radio. Or see with your eyes, whatever it is. Ou que vous verrez de vos yeux quoi que ce soit. Then you will understand the dispensation. Alors, vous allez comprendre la dispensation. Turn with me now. Venez avec moi maintenant. Precious people. Gens précieux. Alléluia. Alléluia. To Matthew chapter 7. Dans Matthieu chapitre 7. Verse 28 and 29. Les versets 28 et 29. I'm not yet on Olivet prophecy, so please just get ready. Je ne suis pas sur la prophétie Olivet. Alors, s'il vous plaît, soyez prêts. This is to prepare you. C'est pour vous préparer. To sharpen you. Pour vous aiguiser. Matthew chapter 7. Matthieu chapitre 7. Verses 28 to 29. Les versets 28 et 29. He says, il dit, when Jesus had finished saying this thing, après que Jésus eut achevé ses discours, crowds were amazed at his teaching. La foule fut frappée de sa doctrine. Because he taught as one who had authority. Car il enseignait comme ayant autorité. And not as their teachers of the law. Et non pas comme les enseignants de la loi. Turn with me also to another scripture. Tournez avec moi à une autre écriture. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 11, verset 1. Matthieu chapitre 11, verset 1. Matthew 11 verse 1, precious people, I am moving very fast because I'm building a foundation. We are not here. Matthieu chapitre 11 verset 1, je suis en train de construire une fondation. Je ne vais pas rester là. We're just building a foundation. Nous sommes juste en train de construire une fondation. He says, il dit, after Jesus had finished instructing his disciples, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, he went on from there to teach and preach in the towns of Galilee. Il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays de Galilée. Let us stop there. Arrêtons-nous là. There are five major conversations. Il y a 5 conversations majeures. A block of scriptures describing 5 instructions from the Lord to the church. Une souche d'instructions décrivant 5 instructions du Seigneur à l'Église. In the book of Matthew. Dans l'Évangile de Matthieu. And the Mount of Olives prophecy is the fifth and most important conversation. Et la prophétie du Mont des Oliviers est la cinquième et la plus importante des conversations. Just the way it is most important in the Bible. Juste comme c'est le plus important dans la Bible. So it is most important in Matthew. Alors c'est aussi le plus important dans Matthieu. I'll just give you an example, then I want to run. Je veux juste vous donner un exemple et je désire aller plus loin, courir. I cannot wait to enter the Olivet. Je ne peux pas attendre d'entrer dans l'Olivette. The Mount of Olives prophecy, pastors, your eyes will be opened. La prophétie du Mont des Oliviers, pasteur, vos yeux vont être ouverts. So you will just go and prepare the church. Alors, vous voulez juste aller et préparer l'église. I will give only one example. Je vous donne seulement un exemple. Of one of the major conversations. D'une des conversations majeures. And then I will go straight to Olivet. Et ensuite, je vais tout droit sur Olivet. The last conversation, okay? La dernière conversation. One of the main conversations. Une des conversations les plus importantes. The first. La première. The first major conversation. La première conversation majeure. In the glorious gospel of Matthew. Dans le glorieux évangile de Matthieu. Is where Jesus is instructing the church on the kingdom of God. C'est quand Jésus est en train d'instruire l'église à propos du royaume de Dieu. Listen to this. Écoutez ceci. Where Jesus appeared. Quand Jésus est apparu. And he went and he taught the church. Et il est allé et il a enseigné l'église. He spoke to the church. Il a parlé à l'église. As a king speaking to the subjects of his kingdom. Comme un roi parlant sur le sujet de son royaume. In other words. Dans d'autres mots. The expectations of the kingdom of God on you. Ce que le royaume de Dieu attend de vous. What the Lord expects of you. Ce que le Seigneur attend de vous. Beginning from Matthew chapter 5 all the way to chapter 7 verse 29. Commençons par Matthieu chapitre 5 jusqu'à chapitre 7 verset 29. That is one block of conversation. C'est un bloc de conversation. Precious people. Gens précieux. Chapter 5, Matthew. Chapitre 5, Matthieu. Listen to what he says. Écoutez ce qu'il dit. Matthew chapter 5, from verse 1, I'm reading. Matthieu chapitre 5, du verset 1, je lis. He says, now when he saw the crowds, he went up on the mountainside and sat down, and his disciples came to him, and he began to teach them, saying, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. He came to them as a king. Il est venu à eux en tant que roi. Talking about the kingdom of God and what the kingdom expects of you that will enter. Parlant à propos du royaume de Dieu et de ce que le roi attend de vous qui entrerez. The moment of truth is coming. Le moment de vérité est venu. He says, blessed are the poor. Il dit, bénis soient les pauvres. And when he goes on, look at what he says. Et quand il va plus loin, regardez ce qu'il dit. The next one he says, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Le suivant, il dit, bénis soient les affligés, car ils seront consolés. He says, blessed are the meek. Il dit, bénis soient les humbles, for they will inherit the earth. Parce qu'ils hériteront la terre. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Bénis ceux qui ont faim et soif de justice. For they will be filled. Car ils seront rassasiés. Blessed are the merciful. Bénis soient les miséricordieux. For they will be shown mercy. Car ils obtiendront miséricorde. Blessed are the pure in heart. Bénis soient ceux qui ont le cœur pur. For they will see God. Car ils verront Dieu. Blessed are the peacemakers. Bénis ceux qui procurent la paix. For they will be called sons of God. Ils seront appelés fils de Dieu. Blessed are those who are persecuted because of righteousness. Bénis soient ceux qui sont persécutés pour la justice. For theirs is the kingdom. Car le royaume des cieux est à eux. And he goes on and on. Et il va encore plus loin. The Lord gave the declaration of blessedness. Le Seigneur a donné la déclaration de la félicité. He declared what blessedness is. Il a déclaré de quelle félicité il s'agit. To the church. Pour l'Église. That's not the whole conversation. Ce n'est pas toute la conversation. That's just one part of that conversation. Ça, c'est juste une part de cette conversation. I'm just using it as example. Je suis juste en train d'utiliser un exemple. And they called it the beatitude. Ils ont appelé cela les béatitudes. Now listen to the meaning of beatitude. Maintenant, écoutez la propos de la signification des béatitudes. Beatitude means the joy, the complete happiness of the soul when it enters the kingdom of God. Béatitude signifie la joie, le complet bonheur de l'âme quand elle entre dans le royaume de Dieu. Now I know. Maintenant, je sais. When you say I am blessed, quand vous dites je suis béni, I want you to mean that you have seen that I'm going to enter the kingdom of God. Je désire que vous pensiez que vous avez vu que vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Now I know. Maintenant je sais. But listen, precious people. Mais écoutez, gens précieux. He declared what your blessing is. Il a déclaré quelle est votre bénédiction. It is about righteousness. C'est à propos de justice. It is about the kingdom of God. C'est à propos du royaume de Dieu. It is about entry. C'est à propos de l'entrée. Wow. Wow. Now I begin to understand. Maintenant, je commence à comprendre. So in that declaration of blessedness, alors, dans cette déclaration de félicité, he is talking about the poor. Il est en train de parler des pauvres, the meek, des faibles, the hungry, des affamés. Everything that the church does not want today. Toute chose dont l'Église ne désire pas aujourd'hui. And he said, that is blessedness. Et il a dit, ça c'est la félicité. If you move on, si vous allez, the second part is a rebuke. Si vous allez à la seconde partie, il s'agit de réprimande. The second part of this main conversation, la seconde partie de cette importante conversation, is a rebuke, ce sont des réprimandes, an admonition, un avertissement. And he says, et il dit, whoever finds that his eye causes him to sin, si ton œil te pousse à pécher, you are supposed to gouge it out, tu es supposé l'arracher. Better you enter heaven with one eye than for all of your body to go where to hell. C'est mieux que tu entres au ciel avec un seul œil plutôt que d'avoir tout ton corps et d'aller en enfer. If your hand causes you to sin, cut it off, he says. Si ta main te pousse à pécher, coupe-la, il dit. He says things that stun you. Il dit des choses qui vous abasourdissent. The rebuke. La réprimande. He says, you are the salt of the earth. Il dit, vous êtes le sel de la terre. If the salt loses saltiness, it is supposed to be thrown and trampled. Si le sel perd sa saveur, il est supposé être jeté et foulé aux pieds. You are the light of the world. You cannot light the lamp and hide, he says. Vous êtes la lumière du monde. Vous ne pouvez pas allumer la lampe et la cacher, dit-il. It's going on there. And the third part is describing the contrast. Il va plus loin ici. Et dans la troisième partie, il décrit le contraste. Between his teachings and the legalistic Jewish law teachers. Entre son enseignement et les lois légalistes des enseignants juifs. If your hand causes you to sin, cut it off, he says. Si ta main te pousse à pécher, coupe-la, il dit. Alléluia. Alléluia.